Chapitre 30e. Pour la première fois depuis 3 semaines, Madame Ripper était calme et de bonne humeur. La perspective de voir sa fille, l'espérance de savoir enfin la vérité sur le caractère de ses relations avec Julien et de se venger sur elle de tout ce qu'elle avait souffert, de frapper ainsi cet homme qu'elle n'avait pu atteindre autrement et de l'amener à merci, tous ces sentiments, dont elle ne soupçonnait pas l'odieuse cruauté, elle les combinait de manière à ce que l'image de Julien se représentât toujours en plein relief. Elle se disait et se répétait qu'elle l'exécrait. Elle sentait qu'elle l'adorait. C'était pour lui qu'elle agissait. C'était lui qu'elle voulait reconquérir. Elle s'illusionnait au point de croire qu'elle allait atteindre son but et réaliser son rêve. Cette surexcitation nerveuse lui rendit pour un instant le goût, ou plutôt la pensée des affaires. Elle reparut dans les ateliers qu'elle avait complètement délaissés et où le désordre avait pénétré. On le lui avait dit, elle le savait, mais confiante en son autorité, elle se faisait forte de réparer le mal en peu de jours. Son apparition fut un événement. Les ouvrières avaient appris par des indiscrétions que Madame Ripper n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle ne s'attendait pas à un changement aussi radical. La malheureuse femme était inconsciente de l'effet qu'elle produisait. Elle remarqua seulement que toutes les ouvrières s'absorbaient dans leur besogne. Elle crut que c'était pour éviter des reproches individuels. Par bonté d'âme, c'est le prétexte qu'elle se donna, elle ne fit aucune observation. En réalité, le travail ne l'intéressait nullement. Elle était indifférente à ce qui se passait. Son énergie s'était émoussée. L'étonnante facilité qu'elle avait naguère à mener de front les plaisirs et les affaires, les intrigues galantes et les opérations commerciales, avait disparu. À peine jeta-t-elle un regard distrait sur les états présentés par les chefs d'atelier. Son esprit était ailleurs, si bien que, rentrée dans sa maison et y trouvant un négociant qui depuis longtemps cherchait à conclure une association, elle engagea sa parole. « Puis-je faire venir le notaire ?» demanda le négociant, au comble de ses vœux et qui n'avait pas espéré réussir, bien que, averti par le contremaître de Madame Ripper, il fut parfaitement informé. Sa visite n'était pas fortuite. Il était venu à l'appel du contremaître, que l'indifférence actuelle de la maîtresse-femme d'autrefois avait frappé. « Comme vous voudrez, » répondit-elle. « Après tout, il faut en finir. Je n'ai plus le temps de m'occuper assidûment de ma maison. » Le négociant n'était pas homme à laisser échapper la fortune qui s'offrait à lui. Il alla chercher son notaire, et l'acte d'association fut dressé séance tenante. Les clauses en avaient été débattues plusieurs fois. L'officier ministériel n'eut donc qu'à instrumenter. L'affaire lui était connue. Il la considérait comme inévitable un jour ou l'autre, et rien ne l'avait mis en garde contre la faiblesse d'esprit d'une femme qu'il savait très intelligente. Il n'eut même pas de scrupules. Il n'était pas le notaire de la famille de Wilberg. Ce dernier se serait présenté chez Madame Ripper après-midi à l'heure où les dames reçoivent. Il s'agissait en effet d'une affaire non commerciale. Mais M. de Wilberg insista pour que cette formalité fût accomplie sans retard. Le second notaire se présenta donc quelques instants après son collègue. « Cher monsieur, lui dit Madame Ripper, vous arrivez trop tard, c'est votre collègue qui a reçu l'acte. »« C'est impossible, madame. »« Comment impossible ? On ne confie pas à deux notaires la mission dont je suis chargé. »« Je vous affirme que Maître X a dressé notre acte d'association. » »« Je voyais bien qu'il y avait erreur. » « Il ne s'agit pas de vos affaires d'intérêt matériel. »« De quoi s'agit-il donc ?»« De vos intérêts de famille. »« Je viens au nom de mademoiselle votre fille. »« De ma fille ?»« Voyons, voyons, c'est une plaisanterie. »« Je l'attends, ma fille. »« Elle doit venir demain matin. »« Mademoiselle votre fille a quitté Aix. »« Joué. »« Je suis joué, et par cet imbécile de bon enfant. »« Et que me veut-elle, mademoiselle ma fille ?» Elle vous demande, par mon intermédiaire, votre consentement à son mariage avec M. de Mulset. » Madame Ripper bondit de son fauteuil, si menaçante et si furieuse que le notaire eut peur. Mais elle tourna sa fureur contre les vases, les porcelaines, les potiches qui ornaient son salon, les renversant, les jetant à terre, les brisant, les piétinant. Le notaire l'entendait gronder entre deux cris inarticulés. « Quand je le tuerai, cet homme, ce n'est pas sa faute, il fait son métier. » Lorsqu'elle eut épuisé ses forces et détendu ses nerfs dans cet accès de destruction, elle croisa ses bras, toisa le notaire et dit sur un ton de suprême dédain : « Un mariage, mon consentement. Vous me demandez cela à moi. » Et avec une fébrile volubilité, une véhémence désordonnée, elle accabla sa fille et son futur gendre de reproches et d'accusations, d'imprécations mêlées de blasphèmes. Le notaire profita d'une seconde répit pour terminer sa mission. « Je mentionnerai sur l'acte, dont je dois vous faire notification, dit-il, je mentionnerai que vous refusez votre consentement. Je veux que vous notifiez les motifs de mon refus. Je ne le puis, madame. Ce serait incriminer des tiers. Vous-même le regretteriez et me le reprocheriez plus tard. Mais d'abord, pourquoi êtes-vous venu seul? L'article je ne sais plus quel numéro du Code civil parle de deux notaires. Vous êtes l'agent de mes ennemis, je veux un notaire à moi qui prenne mes intérêts. La loi interprétative du 21 juin 1843, madame, n'exige pas la présence réelle des deux notaires ou des témoins pour les actes respectueux. Vous faites les lois pour vous, messieurs, et vous les refaites quand elles sont gênantes, misérables. Le notaire s'était esquivé, ayant rempli sa mission et redoutant quelque violence. Madame Ripert le poursuivait dans le jardin, vociférant, échevelé. Les domestiques, qui depuis quelques jours étaient constamment sur le qui-vive, accoururent et parvinrent non sans peine à la ramener dans la maison. Presque aussitôt, la malheureuse femme se roulait, écumant, en proie à une crise effroyable.